bonjour, hello, il fait tôt ce matin. C'est triste dehors, il pleut, c'est la fin de l'été, l'automne répand son parfum. Le sol s'est couvert d'un tapis jaune brun. Un peu froid, je frissonne, je ne sais plus très bien. Bonjour, hello, il fait tôt ce matin. Et je pense déjà, déjà à demain. Peut-être un peu de mieux, qui sait, sous la main de celui qui guide notre destin. Du futur qui fait peur, noir, froid et malsain. Ce matin, le brouillard me cache la cime des sapins qui m'entoure, c'est le côté bizarre du coin. Atmosphère chargée, façon pas trop bien. Pour oublier ça, eh bien on pense à rien. Bonjour, hello, il fait tôt ce matin. Je condense de l'intérieur, c'est pas très sain. Près du périph' là, il faut s'attendre à rien. Un effort et on sera sur le terrain. Dénicher quelques euros pour acheter du pain. Ce matin, petit déj en plein air, c'est plutôt sain. Encore un peu de gaz pour tenir demain. Rencard macadam avec les copains. Vers les restos du cœur, cœur gros comme la main. Bonjour, hello, il fait tôt ce matin. Couché dans ma tente, je file incertain. J'ai envie d'être beau, de tout trouver bien. Faut positiver, reprendre de l'entrain. Oublier ce qu'on est, rêver à demain. Oubliez ce qu'on ait rêvé à demain.